l'ouverture de cette nouvelle année, le magazine de l'archéologie de France Culture revient sur ses fondamentaux, l'origine de l'homme. Si l'on note une exceptionnelle accélération des découvertes, qui suscite parfois débats et polémiques, on sera surtout frappé de percevoir le caractère buissonnant, comme la diversité des espèces humaines qui vécurent avant notre propre apparition il y a 300 000 ans. Pour cheminer avec les premiers hominines, puis les australopithèques, enfin les premiers du genre homo, faire le tour d'une actualité souvent brûlante, celle d'une histoire vieille de 7 millions d'années. Antoine Balzo, bonsoir. Bonsoir. Paléo-anthropologue, directeur de recherche au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous travaillez au Musée de l'Homme. Vous êtes parallèlement responsable d'un nouveau projet de l'Agence Nationale pour la Recherche intitulé Paléo-Brain. Nous y reviendrons. Antoine Balzo, il y a 7 millions d'années, Toumaï, premier représentant connu de l'humanité, aurait été bipède. Du moins, une partie de la communauté scientifique le pense depuis le mois d'août. Ouais, le débat se poursuit à propos de cette espèce-là, connue depuis un petit moment, parce qu'on avait déjà identifié un crâne humain très ancien et dont l'étude avait montré qu'il y avait tout lieu à penser que c'était celui d'un primate bipède. Et ça, on arrive à le voir sur un crâne à partir de la forme de la base, justement, de ce crâne-là, parce qu'il y a une articulation avec la colonne vertébrale. Et en fait, tout le corps est transformé en fonction de la disposition du corps. Les primates se sont développés selon deux grandes branches différentes, avec d'un côté les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, chimpanzés, gorilles, qui sont plutôt quadrupèdes et avec un cou adapté justement à ces déplacements-là au sol et dans les arbres. Et puis des humains bipèdes, dont nous, avec une colonne vertébrale qui s'est complètement transformée pour que le crâne soit posé au-dessus. Et la découverte de cet été, ou en tout cas la publication de cet été, c'est justement la fin d'un autre débat, c'est sur des ossements qui ont été retrouvés à proximité du crâne, des os, des jambes et des bras. Donc ça nous permet d'avoir d'autres informations sur la locomotion de cette espèce humaine. Et ça conclut a priori aussi qu'il y avait une diversité de capacités chez cet humain très ancien, avec certainement une adaptation biologique à la bipédie, et puis un mode locomoteur complexe entre déplacement au sol et aussi dans les arbres. L'affaire était partie d'un fémur non révélé à la recherche durant environ 14 ans, c'est ça ? Oui, alors c'est une véritable polémique d'ailleurs franco-française. C'est une polémique, oui, c'est un petit bruit finalement, parce que le fond en l'état des découvertes fossiles, c'est que il faut du temps pour les étudier. Un spécimen humain, la plupart du temps, les chercheurs prennent leur temps pour l'étudier pour plein de raisons. En l'occurrence, en ce qui concerne Toumaï, il faut pas oublier que c'est quelque chose d'extraordinaire, cette espèce-là. C'est tellement ancien, avec tellement peu de matériel de comparaison disponible, que là, l'étude qui est sortie cet été impliquait forcément d'y passer un temps considérable pour avoir l'ensemble du matériel de comparaison et être capable d'extraire quelque chose. Parce qu'il ne suffit pas juste de regarder l'os, de faire trois mesures et d'en déduire des conclusions qui pourraient sembler évidentes ou logiques. Il faut des données scientifiques pour être capable de comparer et d'interpréter. L'histoire trouble du fémur, titrait Le Monde, il y a quelques années à propos de ce dossier. En tout cas, Toumaï a évincé un autre individu, Aurorine, découvert cette fois-ci au Kenya. Oui, une belle découverte d'une de mes collègues du muséum. Brigitte Senu. Oui, Martin Pickford. Les recherches foisonnent au muséum et cette découverte était à l'époque exceptionnelle. Elle a pendant quelques temps été le plus ancien humain bipède avant la publication de Toumaï. Toumaï, 7 millions d'années, Aurorine, 6 millions à peu près, c'est autour ça ? Autour de 6 millions d'années. Alors évidemment, quand on a peu de spécimens, comme c'est le cas pour ces deux découvertes-là, et qu'une seule datation, ça reste assez approximatif. C'est très très loin dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre des formes humaines très anciennes, très différentes des humains d'aujourd'hui, mais aussi très différentes des grands singes actuels. C'est ça aussi qui est important et qu'il faut saisir, c'est que étudier ces formes très anciennes, c'est nécessairement compliqué parce qu'on n'a pas d'ossements, de crânes, de fémurs, de parties anatomiques qu'on peut comparer directement et ainsi pouvoir comprendre aisément la locomotion. Et typiquement, tout le débat qu'il y a eu là autour du fémur, qu'on prenne les fragments de fémur d'Aurorine ou celui de Toumaï, leur étude est nécessairement complexe. C'est tellement différent que ça ne ressemble pas à un chimpanzé d'aujourd'hui ou un humain d'aujourd'hui. C'est forcément une mosaïque de caractéristiques qu'il est difficile de relier directement à une capacité locomotrice. C'est pour en ça cas, que ça prend oui, du temps. Oui, mais en tout cas, Aurorine est bien adaptée aux arbres. Aussi, et semble être aussi adapté à la bipédie des humains anciens. Et finalement, ça montre bien ce buissonnement humain et l'importance des recherches et des découvertes. C'est qu'on a des humains divers, très différents de ceux d'aujourd'hui, très différents de ceux plus récents, parce que c'est ça l'évolution, c'est ce buissonnement et cette diversité tout au cours du temps, avec nécessairement des adaptations et des comportements qui sont aussi différents. Le Tchad, le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le berceau de l'humanité serait bien plus vaste que l'on pouvait le penser ? Alors évidemment, la notion de berceau de l'humanité, c'est quelque chose de complexe. Ça se base en premier lieu sur l'endroit où on trouve des fossiles. Et évidemment, dans cette définition-là, on voit bien qu'il y a un biais. C'est que l'endroit où on trouve des fossiles, c'est aussi l'endroit où on les a cherchés. Et on les a cherchés là pour plein de raisons. Parce que c'est plus facile d'aller fouiller dans certaines régions du monde que d'autres, évidemment, entre les guerres, les tensions, le terrorisme. Et puis aussi, les niveaux archéologiques que l'on peut retrouver. Il y a des régions entières couvertes aujourd'hui par la forêt où il est difficile d'imaginer faire des fouilles pour trouver des niveaux anciens. C'est pour ça qu'il faut être pionnier, peut-être, je pense, à Laurent Bruxelles, qui est sur des terrains encore peu explorés et qui cherche donc à essayer de trouver, voir, prendre des risques. Et peut-être, donc s'il en a, ce sera une découverte absolument majeure. C'est probablement la principale information dans la recherche, c'est que, a priori, on ne sait pas exactement d'où nous venons. Ça reste à découvrir. On a quelques indices disparates qui nous donnent une vague idée. Globalement, aujourd'hui, on est d'accord, c'est l'Afrique. Toutes les données semblent confirmées pour plein de raisons. Néanmoins, où en Afrique, alors on n'aura jamais la réponse précise, mais exclure par principe que certaines régions n'ont pas pu être habitées simplement parce que les fossiles viennent d'autres endroits, c'est un biais, c'est un raccourci, d'où l'intérêt de chercher dans des endroits différents, avec des approches différentes, pour éventuellement un jour trouver de nouveaux spécimens. Toumaï, c'est ce qui est arrivé, hein. Personne n'avait eu l'idée encore d'aller fouiller autant vers le centre de l'Afrique et dans des niveaux si anciens, à force de chercher, ils ont fini par trouver quelque chose. Et Brunet a cherché 25 ans. Michel Brunet a cherché 25 ans avant de trouver quand même un individu, puis un autre. En tout cas, dans ce tour de l'actualité, il nous faut évoquer, Antoine Balzo, un individu très particulier découvert en Afrique du Sud, dans la grotte de Rising Star. Homo naledi, avec un corps humain presque moderne, un crâne d'australopithèque, une curiosité. Et qui vient d'être daté. Daté est vraiment étonnant. Et la date rajoute à l'étonnement, d'ailleurs, parce que c'est autour de 300 000 ans. Là encore, c'est une seule date par une technique un petit peu particulière. Oui, mais on n'est pas 1,5 million. On pourra peut-être affiner, mais voilà. C'est cet aspect qui est étonnant, parce que à la publication des premiers fossiles il y a quelques années, l'idée sous-jacente, c'était d'imaginer qu'ils étaient en effet proches des premiers représentants du genre Homo, parce que leur morphologie rappelle un petit peu ça. Donc un âge très ancien a été attendu. Donc là, on a cette date plutôt récente, possiblement contemporaine avec Homo sapiens, Néandertal, alors que ce sont des humains beaucoup plus petits, avec un cerveau nettement plus petit. Donc une forme humaine, là encore, qui nous montre ce buissonnement magnifique de l'humanité et ses formes tellement variées. Donc c'est vraiment un groupe, un nombre de spécimens en plus conséquent qui est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose de très différent de ce qu'on connaît par ailleurs. Justement, Lieberger, donc les découvreurs, auraient 15 individus différents de tout âge. Il évoque même la présence de sépultures, de feux. Il évoque beaucoup de choses qui l'égrènent au fur et à mesure des annonces dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est l'intérêt de l'approche aussi, c'est qu'il nous donne beaucoup d'informations. La limite aussi, c'est que là, on est presque à l'inverse en ce qui concerne du tempo pour publier les découvertes. Les premiers articles ont été publiés 1 et 2 ans après la découverte des fossiles humains, ce qui fait que c'est un temps extrêmement restreint pour des études complexes. Et les premiers articles, de toute façon, c'est à la fois bien et ça a des limites. Parce qu'en effet, il a publié le premier article, il y avait 1200 restes humains qui étaient annoncés. Évidemment, en 2 ans, on n'a pas le temps de faire une étude exhaustive de 1200 restes. Donc c'est quand, ils sont fragmentaires, sont des morceaux, et ça prend forcément du temps. Et là, on est sur des sites qui sont extrêmement difficiles d'accès. Il faut être plutôt mince, se faufiler dans des grottes très complexes qui ne sont pas accessibles à la plupart des chercheurs pour arriver à voir et à étudier. Ce qui fait que l'étude du gisement est encore complètement à faire, ce n'est pour le moment que superficiel, il y a encore énormément à découvrir, ce qui montre le potentiel important de l'endroit, ce qui démontre pourquoi il faut continuer de chercher, mais c'est aussi ce qui contrebalance peut-être ces effets d'annonce où à chaque fois on a l'impression de choses exceptionnelles mais pas encore démontrées scientifiquement. Voilà, il faut un petit peu de temps quand même pour arriver à donner des preuves scientifiques solides quand on fait des interprétations. Et puis l'Afrique du Sud est un terrain vraiment extrêmement riche. Nous sommes là en tout cas réellement sur une sorte de starification de la recherche avec des annonces plus spectaculaires les unes que les autres. Lieberger n'est pas le seul. Voilà, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier à mettre en image, à se représenter à côté de ses découvertes. La différence aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux permettent de le faire plus régulièrement et peut-être de manière un peu plus forte. Alors, les côtés extrêmement positifs, c'est que ça donne une image de la science en cours, de la recherche, qui est extrêmement positive. Pendant les périodes de Covid, Lieberger avait mis des webcams à l'intérieur des sites pendant les fouilles et a fait aussi des vidéoconférences avec des écoles, des classes, des groupes d'enfants pour montrer comment on travaille. Et ça, c'est extraordinaire, c'est extrêmement positif pour la diffusion de la connaissance scientifique, pour la visibilité que peut avoir la paléoanthropologie. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment positives. La limite, c'est peut-être la mise en scène un peu exagérée des choses. Là, ces dernières semaines, il a annoncé avoir trouvé du feu dans la grotte parce que lui-même avait fait un régime drastique qui lui avait permis de rentrer dans la grotte et de voir pour la première fois des traces de charbon qui n'avaient pas été notées par les autres fouilleurs auparavant. Évidemment, ils n'ont pas encore pu l'étudier, c'est pas encore publié, c'est un effet d'annonce. Alors, à la fois, c'est bien parce qu'on en parle, mais c'est aussi critiqué parce que c'est pas une démarche scientifique totalement classique. Il faut sûrement trouver un peu un juste milieu entre tout ça, mais en tout cas, diffuser comme ça et valoriser la recherche, c'est quelque chose de positif. En tout cas, cette starification, elle est due parce que les enjeux sont capitaux pour les pays, pour la recherche, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'argent quand même en anthropologie. Il y a plus d'argent que dans d'autres disciplines. Tout est relatif, les comparaisons sont difficiles à faire. On n'a pas les moyens d'un accélérateur de particules ou qu'il peut y avoir dans la recherche spatiale, évidemment, pour faire des recherches en paléoanthropologie. Et là, dans ce cas-là, Lieberger ou Michel Brunet auparavant sont des bons exemples, sont des gens qui ont démarché des mécènes, des collectivités pour avoir des financements pour mener leurs recherches qui ont permis de trouver des choses. Il n'aurait pas eu ce travail-là, cette activité-là pour trouver de l'argent, il n'y aurait pas eu les découvertes. Donc c'est un équilibre aussi à trouver et c'est l'importance aussi de continuer à financer ces recherches-là pour nous éclairer sur l'origine de l'humanité. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Antoine Balzo, comment travaillent les paléoanthropologues? Vous utilisez largement l'imagerie dans vos recherches. Désormais, les fossiles ne vont plus à l'hôpital pour passer un scanner. La paléontologie s'est modernisée, c'est du moins ce que vous faites dans votre projet PaléoBrain. En effet, on a accès maintenant à des techniques d'analyse plus performantes par l'amélioration des outils qu'on utilise. On a maintenant des microtomographes qui nous permettent d'avoir des données d'imagerie comme celle d'un scanner médical, mais avec une résolution qui est plusieurs milliers de fois supérieure à celle d'un scanner médical. Donc évidemment, ça nous permet d'atteindre un détail d'information qui était inimaginable auparavant et qui est complètement nouveau. Donc c'est aussi un pan de recherche qui s'ouvre, des capacités nouvelles qui s'offrent à nous. Et donc c'est vraiment utile. Et puis, en particulier dans le projet là que je dirige, PaléoBrain, notre objectif, c'est aussi d'essayer de mieux comprendre cette anatomie des fossiles en la détaillant le plus précisément possible, mais en la comparant autant que possible avec celle des humains d'aujourd'hui. Alors ça peut paraître évident, on imagine qu'on sait tout de l'anatomie d'un humain. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. La diversité anatomique humaine est pas très très bien connue. La variation de forme du cerveau, par exemple, est peu documentée. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet la forme du cerveau. Mais pour un spécimen fossile, on ne retrouve pas le cerveau. On n'a que la boîte crânienne et on moule virtuellement l'intérieur. Et il y a des empreintes qui ont été laissées par le cerveau qu'on arrive à imager et à reconstituer. Et là, toute la question de mon projet, c'est d'arriver à comprendre chez des vivants, des volontaires actuels, quel lien il peut y avoir entre la forme du cerveau et la forme de la boîte crânienne et toutes ces marques qui sont laissées. Et ça, on ne l'avait jamais fait auparavant. Donc ça nous permet d'avoir une information plus précise sur cette connexion entre le cerveau et le crâne pour après l'exploiter sur les spécimens fossiles pour mieux interpréter la forme de leur cerveau. Antoine Balzo, on parle peu des recherches en Asie. Vous l'évoquez dans votre dernier livre. L'Asie, c'est bien entendu l'Homo erectus, le pithécanthrope du capitaine Haddock. Une région souvent jugée comme une impasse évolutive ? Longtemps vu comme ça, en fait, parce qu'il y a eu des recherches, alors, au XXe siècle en particulier, même au tout début, par le biais des recherches coloniales, Teilhard de Chardin ensuite, etc. Donc il y a eu cette arrivée des Européens en Asie pour étudier, trouver des choses. Et c'est vrai que les fossiles trouvés à cette époque-là étaient des Homo erectus et qu'on avait cette image de l'Asie, territoire des Homo erectus. Il se trouve que les moyens aujourd'hui accordés aux recherches là-bas sont beaucoup plus nombreux. Les Chinois ont maintenant des missions partout à travers le pays, ont des équipes extrêmement conséquentes, beaucoup de moyens, fouillent énormément, évidemment trouvent beaucoup de choses. Et dans les autres pays, c'est un petit peu la même histoire. Ce qui fait que maintenant, on se rend compte qu'il y a une diversité humaine sur le continent asiatique et même dans les îles sud-est asiatiques qu'on n'imaginait pas du tout avant, et en particulier pour les périodes plus récentes, pour la fin d'Homo erectus et pour ce qui suit, et probablement pour des espèces humaines, des groupes humains contemporains avec Homo sapiens. Alors, il nous faut raconter l'histoire de l'homme de Longyi qui a été révélé par les Chinois en 2021, et c'est une véritable histoire totalement incroyable, Antoine Balzo. Alors, une petite histoire, comme il en arrive finalement assez souvent en paléoanthropologie, parce que les découvertes de fossiles humains ne sont pas toujours faites par des chercheurs dans le cadre de fouilles organisées. De nombreux spécimens ont été découverts par hasard par des gens qui trouvaient un spécimen. Et en l'occurrence, par exemple, à Java, ça a été même l'historique de la plupart des découvertes, puisque l'île de Java est un vaste site archéologique, en quelque sorte. Ce sont les habitants qui trouvent le plus souvent des restes humains, qui les donnent après aux scientifiques. Et puis, il y en avait beaucoup chez les apothicaires chinois aussi. Et voilà, autre exemple. En effet, les premières collectes, les dents étaient utilisées comme gris-gris, comme pour faire de la poudre avec des vertus magiques, alors qu'en fait, c'était des fossiles humains très anciens. Eh bien, ce crâne-là a été trouvé un peu dans le même cadre de choses, une découverte fortuite par un paysan qui a caché le spécimen au moment de l'invasion de la Chine par les Japonais pour éviter que le fossile soit volé. 1933, c'est ça, par là ? À peu près. Et ce spécimen est resté caché très longtemps. On ne sait pas pourquoi il n'avait pas pensé à le ressortir, mais ce n'est que sur son lit de mort qu'il a dit à ses descendants « J'ai caché un crâne, allez le chercher ». Et en voyant ce fossile, les descendants l'ont après offert à des chercheurs qui ont pu l'étudier. Alors c'est voilà une petite histoire comme il y en a quelques-unes quand même, mais qui a permis de révéler il y a peu de temps un spécimen humain qui est exceptionnel, qui est extrêmement complet, un des fossiles les plus complets qu'on ait, et qui a une morphologie qui est particulière, d'où ces débats aujourd'hui sur son attribution, peut-être la création d'une nouvelle espèce Homo longi, parce que clairement ce spécimen-là est vraiment différent de ce qu'on connaît, différent des Homo erectus, et montre combien cette dynamique de population en Chine, cette diversité humaine a dû être importante. C'est l'homme dragon, vieux de 1,5 million. En fait, c'est la difficulté de ce genre de découverte hors contexte, c'est qu'on connaît peu son âge. Alors, le spécimen aurait probablement autour de 300 000 ans, mais là encore, c'est une date approximative qui nécessitera d'éventuelles recherches. Mais un siècle après, comment retrouver l'endroit exact où était le fossile ? Donc c'est compliqué. Puis une découverte seule, surtout quand le spécimen est particulier, on peut difficilement savoir ce qu'il représente et quelle période de temps ces représentants ont pu couvrir. Donc c'est toujours la difficulté de comprendre cette diversité humaine. Incontournables sont aussi les deux espèces récemment découvertes. Tout d'abord l'homme de Flores, puis bien sûr celui de Luçon, cette fois-ci aux Philippines, d'ailleurs par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Eh oui, nous n'arrêtons plus de faire des découvertes extraordinaires. Non, ça montre le dynamisme des chercheurs du muséum et puis de la recherche archéologique française, qui est une sorte d'exception mondiale d'ailleurs. On a cette chance d'avoir eu un financement public de la recherche qui a permis une diversité scientifique extrêmement importante. Et aujourd'hui, quand on fait de la préhistoire, on a une force en France par rapport à beaucoup de pays d'avoir cette possibilité d'avoir de nombreux chercheurs et un vrai historique. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un des aspects vraiment positifs de la recherche française. Et puis ces découvertes-là, des choses extraordinaires, des humains récents, très particuliers, plus petits que tous les humains contemporains. L'homme de Flores, où on a un squelette assez complet, c'est à peu près un mètre de haut avec un cerveau qui fait la taille d'un australopithèque. Et en fait, cet homme de Flores ou de Luzon, ça rappelle un petit peu l'Homo naledi, des humains plus récents que les autres, mais avec une morphologie qui semble plus ancienne, mais pourtant avec des caractéristiques qui rappellent quand même Homo erectus. J'ai eu la chance de travailler... Et très adapté aux arbres. Et alors, ça, c'est tout un débat. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur le cerveau de Naledi ou de l'homme de Flores. On se rend bien compte qu'il y a des caractéristiques qui rappellent Homo erectus, que ce ne sont pas en fait des descendants des australopithèques, mais plutôt des formes un peu particulières faisant suite peut-être à Homo erectus. La question de l'adaptation, on revient presque au débat de départ sur Toumaï, c'est que à partir d'ossements, même si des caractéristiques morphologiques peuvent refléter une certaine adaptation ancestrale à une capacité, c'est pas la certitude que ce groupe humain-là ne faisait que ça. Donc c'est toujours délicat de supposer que la forme d'une phalange suffit à expliquer les capacités et la manière de vivre d'une espèce entière. Évoquons l'Europe en Espagne, un fossile de plus d'un million d'années découvert en juin sur le site d'Atapuerca pourrait être le premier représentant d'un genre homo en Europe. Probablement, on a des traces à partir de 1,5 million d'années, oui. Peut-être même des outils plus anciens, et puis les fossiles en Géorgie qui ont 1,8 million d'années. Donc ça remonte l'arrivée humaine sur l'Europe de l'Ouest, a priori, et c'est vraiment intéressant. Alors pour le moment, le fossile espagnol, c'est une partie de face, donc c'est à la fois beaucoup et peu. Juste avec une partie de face, c'est pas les zones anatomiques les plus conservées parmi les fossiles, donc c'est difficile à comparer. Les travaux vont avoir lieu et ce sera sûrement très intéressant d'arriver à comprendre qui sont ces premiers humains européens. Il faut peut-être dire que Atapuerca est un site absolument exceptionnel. On y aurait même peut-être des individus tués, abattus. C'est quelque chose d'assez exceptionnel comme site. C'est unique parce que c'est finalement une sorte de livre, de mille feuilles archéologiques avec... On dit un site, c'est presque un abus de langage, parce que ce sont des gisements archéologiques, des grottes qui ont abrité des humains à de nombreuses occasions et pendant de très longues durées de temps. En fait, on a des fossiles depuis 1,5 million d'années à peu près, jusqu'au néolithique, mais en tout cas au moins jusqu'au néandertalien, avec des occupations très très longues et dans plusieurs zones d'ailleurs de cette zone de gisement. Donc c'est vraiment intéressant, ça documente beaucoup beaucoup de choses. Et puis en effet, il y a certains des sites au milieu de ce grand site qui ont livré des collections exceptionnelles. La Cima de los Huesos est un exemple où des milliers de restes ont été trouvés qui correspondent à probablement une trentaine de corps humains qui ont été disposés là par d'autres humains. Pour le moment, les données scientifiques font penser qu'il s'agit d'un acte de violence, que les corps ont été déposés probablement après plusieurs meurtres. Mais voilà, il est difficile de faire toute l'histoire autour de ça. Plusieurs centaines de milliers d'années, c'est avant les Néandertaliens. C'est finalement le premier meurtre d'humanité clairement documenté. Et puis surtout, ce qui est exceptionnel, c'est le nombre de corps, cette superposition dans un endroit quasiment inaccessible au fond d'un trou, donc vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais qui est aussi le pourquoi on a cette découverte-là. Ce sont ces conditions exceptionnelles qui ont fait que les spécimens ont été conservés aussi bien et qu'aujourd'hui on peut les étudier avec autant de détails. Les chercheurs pensaient à une vague avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, qui bien sûr remplace l'homme de Néandertal. Les choses sont beaucoup plus compliquées, puisque nous avons une vague encore plus ancienne qui arrive avant 40 000 ans. C'est les recherches par exemple de Jean-Jacques Hublin. Oui, on a forcément des difficultés à bien saisir les modalités de déplacement des humains. On a longtemps représenté ça. Quand on fait des cartes, en général, on met des flèches. On utilise aussi parfois le terme de vague humaine. Bon, c'est une manière d'imager les choses, mais c'est réducteur par rapport à la réalité. Évidemment, on n'aura jamais le premier individu d'une espèce venant à un endroit, parce qu'archéologiquement, on aurait peu de chances de le trouver. Ce qui est sûr aussi, c'est que les choses ne sont pas linéaires et ne se font pas d'un coup. Ce n'est pas une flèche, ce n'est pas une vague qui arrive et puis il n'y a plus rien derrière. C'est des mouvements humains, des expansions avec des déplacements qui se font dans tous les sens au milieu de cette grande expansion-là. Et puis, probablement aussi des rétractations en fonction des conditions, des changements climatiques et de la démographie. Et c'est pour ça que c'est pulsations, ces mouvements démographiques humains sont très difficiles à imager et à comprendre parce que les données archéologiques sont tellement parcellaires que le puzzle est vraiment trop incomplet pour les comprendre. Donc chaque découverte est très importante. Les fossiles de Bacho-Kiro qui nous montrent donc une arrivée d'Homo sapiens il y a 40 000 ans vers l'est. 45 000 même. 45 000 vers l'est de l'Europe. C'est chouette, c'est extraordinaire, intéressant et c'est prometteur aussi pour arriver un jour à mieux comprendre les interactions entre les différentes populations, les différentes espèces humaines dans ces régions-là. Antoine Balzo, vous êtes un chercheur à l'approche variée, la recherche, la médiation et la presse. On vous lit notamment dans les Échos. Vous vous lancez dans une sorte d'escape game? Oui, alors ça c'était un choix original. C'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui est passionnant, que j'adore, mais qui finalement n'a des répercussions que pour peu de gens. Quand je fais un article scientifique, c'est lu par par une dizaine de personnes, tout au plus. Donc c'est l'intérêt de pouvoir faire de la diffusion, de toucher les gens, d'expliquer des choses et puis de tenter de faire passer un message, d'aider à comprendre mieux des choses. Et là, notre dernier projet, ça a été de créer un escape game qui aborde les questions d'évolution, de changement climatique, avec à la fois évidemment la volonté d'amuser les gens, de créer un jeu qui soit plaisant et équivalent à ce qu'on peut trouver dans des salles professionnelles, mais aussi d'apporter d'une manière ludique une meilleure compréhension de ce que sont les changements climatiques et de ce que chacun d'entre nous peut faire pour essayer d'améliorer, de mieux agir pour la suite, pour notre planète. Cela tourne autour de Marcelin Boule. Marcelin Boule, père de l'anthropologie biologique, physique, on disait à l'époque, de française, donc. En fait, on a fait un petit mélange d'idées. L'escape game s'appelle le mystère Marcelin Darwin. Donc un mélange entre Darwin sur les questions évolutives, évidemment, et puis Marcelin, c'était en effet un petit clin d'œil pour Marcelin Boule, un de mes grands prédécesseurs, précurseurs, qui a trouvé tant de fossiles sur lesquels je travaille aujourd'hui. Antoine Balzo, où va-t-on faire des découvertes? Faisons un peu de prospective en deux mots. Ah, j'espère partout. Ça voudrait dire qu'on a cherché partout et qu'on s'est donné les moyens d'en trouver dans des endroits exceptionnels. Et en réalité, les découvertes récentes laissent penser que ça vaut le coup d'aller chercher partout pour trouver des choses. Pour être un peu plus sérieux sur l'idée, l'endroit où, à mon avis, il y a un vrai message et des informations complémentaires à trouver, l'Asie, la Chine en particulier, sont vraiment des endroits aujourd'hui qui vont livrer de nouvelles découvertes, de nouvelles informations sur l'évolution de l'humanité. Antoine Balzo, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Brève histoire des origines de l'humanité, publié aux éditions Talendier. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Valérie Lavalard et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.